blues était vivant à la Nouvelle-Orléans, qu'on chantait la terre promise dans le calme des églises sur le Mississippi, des noirs. Marquer le coup, tu vis courbé, mais tu chantes.